طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Il faut qu'il y ait l'intention que tu veux adorer Allah Azza wa Jalla. Donc maintenant, le prophète va demander aux gens et les exhorter à rentrer en islam. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il a dit istabaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Donc, s'ils ne veulent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs femmes, leurs biens, tout ce qu'ils possèdent, sont devenus les biens des musulmans. Naam. Pourquoi? Aucun, en islam, aucun kafir n'a le droit de juger les gens. Naam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Seul le musulman doit juger. Juger, yani, avec sa sharia. La terre, elle appartient à qui? Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et les hommes, c'est Allah qui les a créés. Donc, il leur faut la sharia. Il leur faut pas autre chose. Allah ta'ala a créé la terre, a créé les êtres humains, et Allah ta'ala sait que seule la sharia peut les rendre heureux et ils peuvent vivre, yani, une vie normale. S'il n'y a pas la charia, c'est quoi? C'est la catastrophe. Naam. C'est naam. Faman sha'a yu'minu wa sha'a yakfur. Tu es libre. Et à l'encontre de cela, de cette secte, ou de cet avis égaré, il y a l'autre avis qui dit que tu es obligé de rentrer en islam. Tu es obligé. Alors que le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est tu l'as seulement, c'est seulement le musulman qui commande et qui juge, yahkum. Et toi, tu n'es pas obligé de rentrer en islam. Voilà comment qu'on doit dire. Personne n'a le droit de juger sauf avec la sharia. Mais personne n'est obligé de rentrer en islam de force. Donc, tu t'éloignes, tu laisses la gouvernance, tu laisses le gouvernement, tu laisses à l'islam, et toi, soit chrétien, soit juif, tu es libre. Naam. Et bien sûr, tu dois donner une rançon une fois par an. Pourquoi? Parce que tu vis chez les musulmans, tu vis protégé par les musulmans, si jamais tu donnes la rançon et un musulman vient rentrer chez toi sans que tu lui ouvres la porte, il rentre par exemple, il te trouve avec le wasbou, avec une bouteille de vin, il la casse. Il casse la bouteille. Ce chrétien ou ce juif qui était en train de boire de l'alcool dans sa maison, il va à qui? Il va au juge musulman. Il lui dit, il y a un musulman qui est rentré, il m'a cassé la bouteille de bière. Alors la bouteille que je buvais à la maison, Cheikh Ibn Uthaymeen Allahyarhamou a dit, le juge est obligé de faire rembourser le musulman. Il lui dit, tu rembourses ce que tu as cassé. Pourquoi? Parce que celui-là, il donne une rançon une fois par année pour être protégé. Quand il boit dehors, c'est interdit. Mais ce qu'il fait dans sa maison, quand il ferme la clé, personne n'a le droit d'aller voir ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire celui-là. Naam. Pourquoi? Parce qu'il donne une rançon et il est protégé. Mais personne n'a le droit de juger sauf avec la sharia. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَ اللَّهِ فَوَلْكُمْ كَفِرُونَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ. لَهُ الْخَلْقُ. Allah a créé, il a l'amre et il a l'ordre. Il n'y a personne qui n'a le droit de me donner l'ordre, sauf Allah et son prophète. C'est lui qui donne des ordres. Et ceci, je ne peux pas cela. Ça c'est halal, ça c'est haram. Il n'y a personne qui peut me dire ça c'est halal, ça c'est haram. Sauf Allah Azza wa Jalla et son prophète. Lahu al-khalq wa lahu al-amr. Donc beaucoup de gens ici se contredisent. Certains mentent aux gens. Ils leur disent l'islam, tu es libre. Et ce que tu veux. Yani, tu peux commander, tu peux. Yani, c'est normal. Et d'autres, au contraire, ils disent, yani, si tu rentres pas en islam, on doit te couper ta tête. Alors que le vrai et le juste, c'est quoi que Naam, tu n'as pas le droit de juger, c'est tout. Tu n'as pas le droit de tahkum. Inna al-hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Le hukm, naam. Seul à Allah Azza wa Jal. On t'éloigne, toi, du hukm. On t'éloigne, tu donnes le hukm aux musulmans. Ensuite, tu es libre. Reste chrétien, reste. Fais ce que tu veux. Tu es libre. La ikraha fid din. Je ne te fais pas rentrer en islam. Si je te fais rentrer de force, d'ailleurs, ce n'est pas accepté. Naam. Mais tu me laisses le wasbou, tu me laisses le jugement. Pourquoi? C'est moi qui juge, c'est le musulman. Naam. Pourquoi? Parce que s'il y avait des kofars qui, eux, jugeaient, ils ne vont pas laisser l'islam arriver aux gens. Naam. Celui qui juge dans un pays, il ne juge pas avec l'islam, il ne va pas laisser les gens connaître l'islam. Alors que les gens, c'est Allah Ta'ala qui les a créés. Il faut qu'ils adorent leur Dieu. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore pas d'autres des personnes. Naam. Donc on l'enlève du gouvernorat pour laisser qui? Pour laisser le musulman qui doit quoi? Qui doit juger. Ensuite, il montre aux gens ce que c'est l'islam. Celui qui veut rentrer, il rentre. Celui qui ne veut pas, là, il est libre. Il est libre. Naam. Il a dit ici, maintenant, le prophète ou le messager montre aux gens l'islam. Il leur dit, rentrez en islam, vous aurez le paradis, vous aurez ceci. Ici, même ici dans ce bas monde, il ne vous manquera rien, etc. Maintenant, il a dit qu'il n'accepte pas, alors qu'il paye la rançon. Au moins qu'il paye la rançon, s'ils veulent vivre avec, yani, sous l'égide d'un gouvernorat musulman. Il a dit, alors, comme Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes qui, yani, subhanallah al-azim, qui libère comme ça, libère des terres et des terres. Naam, des terres, il a dit, حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. Jusqu'à ce que l'islam arrive aux contrées orientales et contrées occidentales. Tout ça, c'est une preuve qu'il a été envoyé d'Allah. Naam. Un autre ne peut pas. Il ne peut pas comme ça posséder toute la terre. Allah l'adim. Ils ont commencé avec deux ou trois. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, Ali, Bilal, 4, 5. Wadkuru idkuntum kathiran. Wadkuru idkuntum qalilan afwan. Akatharakum. Rappelez-vous quand vous étiez peu. Et je vous ai rendu nombreux. Allah l'adim. Ils ont commencé deux ou trois avec même pas un bâton. Yani comme arme. Même pas un bâton. Et ils ont conquis. La terre, subhanallah, la Chine, la Russie, l'Espagne, subhanallah, du Cherk, de l'Est à l'Ouest, subhanallah, c'est un grand délit que Allah est en train de le consolider et de l'aider de le renforcer. Un autre, il n'aurait jamais pu faire cette chose. Plus, كَذَلِكَ أَيْضًا مَا يُجْرِهِ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْآيَاتِ. Plus, les prodiges. Que Allah Azza wa Jal montre, yani, ou la, que Allah Azza wa Jal fait montrer aux gens de part à les messagers. Regardez le prodige de Moussa alayhi salam, le prodige de Isa alayhi salam, et les prodiges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on va commencer à parler des prodiges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous faudrait, je ne sais pas combien de cours, yani, les prodiges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, je sais pas. Une fois, yani, quelqu'un dans une guerre a eu, yani, son œil est tombé. C'est pas crevé, hein, c'est pas crevé l'œil. Il est tombé, khlas. L'œil, il est tombé. Le prophète Adam l'a pris, l'a juste un peu craché, il l'a remis à sa place. Subhanallah. Maintenant, si tu prends quelqu'un qui a un œil qui tombe, au plus grand hôpital du monde, certes, il va lui placer l'œil à sa place, mais jamais il ne pourra voir avec. Place. Les veines sont coupées, c'est impossible. Les nerfs sont coupés, c'est impossible. Juste un crachat, un petit crachat, et il lui rend l'œil à sa place, et il voit normalement, en quelques secondes. Alors que ça demande une opération de je ne sais pas combien d'heures, et ensuite il ne va pas voir. Subhanallah, c'est un petit prodige. On a des milliers, il médit. Mu'jizat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Afoun. Tayyib. Et parmi les prodiges aussi, Inch'Allah, on fera un dars spécialement sur les prodiges. Parmi les prodiges aussi, que quoi? Que on ne lui posait pas une question sans qu'il ne réponde. Subhanallah al-Azim. On lui posait n'importe quelle question. Les miracles, là. Naam. Les miracles. Naam. La même chose, Inch'Allah. On lui posait n'importe quelle question, sallallahu alayhi wa sallam, il te donnait la réponse. Même si la question est difficile, il attend un peu, que Jibril descend, alayhi sallam, on voit le prophète, alayhi sallam, la tête, yani, descendue, la tête qui est vers le bas, en train de, yani, de se serrer, on voit son visage devenir très rouge, on voit la sueur couler de son front, ensuite il répond. Ça veut dire Jibril est descendu, alayhi sallam, il lui a donné la réponse. Naam. Alors qu'un autre, on peut lui poser certaines questions, on ne peut pas répondre si ce n'est pas un prophète. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a même posé la question, si vous vous rappelez une fois, on lui a dit, et les juifs connaissaient la réponse, bien sûr, c'était dans leur livre, déjà c'était pour le tester. Pour le tester, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, dis-nous, que vont manger les gens au paradis? La première chose que vont manger les gens au paradis. Subhanallah al-Azim. Toi, tu dis que tu es prophète. Allez, réponds-nous. Chef, celui qui n'est pas prophète, comment qu'il peut répondre? C'est impossible. Il va dire n'importe quoi. Il va dire qu'ils vont manger les oranges, ils vont manger les bananes, manger les chocolats. Il va dire n'importe quoi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous me l'avez dit une fois. Ziyadat kabid al-hout. Naam. Kabid al-hout. Le foie de la baleine, avec quelque chose qui est en plus. Naam. On lui a demandé comment se fait-il que, des fois, c'est la femme enfante un garçon et des fois une femme, et des fois une fille. Naam. Ça aussi, c'est difficile. Comment y aller trouver la réponse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse. Il a dit naam. Si le liquide de l'homme, et celui qui vient par en haut, il sera bilna un garçon. Si c'est par en bas, c'est une fille bilna. Naam. Quand on lui a posé la question, on dit, comment ça se fait que des fois, il ressemble à son père, des fois, il ressemble à sa mère. Il a montré aussi que si le liquide arrivait le premier à l'utérus, il ressemblerait alors à son père, sinon à ses oncles. Naam. Comme je l'ai expliqué, bismillah, la fois passée. Naam. Ou bien le contraire de ce que j'ai dit. Yani, le premier c'est pour le deuxième, et le deuxième c'est pour le premier. Donc il a dit que, yani, il a des signes, il a des miracles, beaucoup, beaucoup de miracles. Non. Et répondre à des questions, c'est aussi un miracle. Un autre, ou bien n'aurait pas répondu, ou bien il répondrait faux. Il répondrait faux. Il dira par exemple, c'est telle et telle chose. Ensuite, on va découvrir, après des années, que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne un exemple très très très simple. Quand il a dit dans le hadith sahih, il a dit, si jamais une mouche tombe dans un verre, il a dit, trempez la mouche dans le verre, trempez-la complètement. Pourquoi? Il a dit, la mouche a deux ailes, dans une des deux ailes, elle a le poison, et dans la deuxième aile, elle a le médicament. Donc elle, si elle tombe seulement sur une aile, toi tu ne sais pas, est-ce qu'elle est tombée sur l'aile du poison, elle va te mettre le poison dans ton eau ou là dans ton jus que tu buvais, ou est-ce qu'elle est tombée avec l'autre qui contient l'antipoison, tu ne sais pas. Donc pour être sûr, tu trempes la mouche directement en bas et tu la jettes. Subhanallah al-Azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a... Il a pris une mouche et il a ouvert, il a fait yani, des analyses sur la mouche, sur ses ailes, pour avoir trouvé qu'une aile contient du poison, une aile contient l'antipoison. Comment qu'il a su ça en plein désert? Plein désert. Il n'y avait ni faculté, ni médecin, ni je ne sais pas quoi. Comment subhanallah al-Azim, il a pu savoir ceci? Comment? Hada, c'est prouver qu'il est rasoul. C'est une des preuves pour prouver qu'il est rasoul. Et quand il dit quelque chose, elle n'est pas fausse et elle ne se contredit jamais. Elle n'est pas fausse et elle ne se contredit jamais. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ses passions. C'est Allah Ta'ala qui lui dit. Allah Ta'ala, Allah ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, la mouche, d'où elle est venue? Allah Ta'ala qui l'a créée. Donc c'est Allah Ta'ala qui a mis dans une aile un médicament et dans l'autre il a mis le poison. Donc c'est lui qui sait et il dit à son prophète, voilà ce qu'il y a et voilà ce qu'il y a. Non. Ensuite le Cheikh a dit, بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Contrairement à ceux qui disent sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils ne savent pas. Non. Contrairement à ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Les messagers ne disent sur Allah que ce qu'ils savent. S'ils ne savent pas, ils disent Allahu a'lam. Non, ils disent Allahu a'lam. Mais ils ne disent sur Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'ils savent. Il a dit contrairement aux autres, yani, qui disent quoi? Qui disent sur Allah ta'ala ce qu'ils ne savent pas. Il a dit, فَهَاُولَئِ كَذِبُونَ. Ceux-là, ce sont les menteurs. أَوْضَالُونَ. Ou bien ce sont des égarés. لِأَنَّهُمْ قَالُوا مَا لَا يَعْلَمُونَ. Parce qu'ils ont dit ce qu'ils ne savent pas. Et c'est un grand péché de dire sur Allah ta'ala ce qu'on ne sait pas. C'est l'un des grands péchés de dire sur Allah une chose qu'on ne sait pas. C'est ça lorsqu'il a dit qu'Allah ta'ala حرم الشرك كتابا في ترى على فعل دي دي فيرسي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون et que vous disiez que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est pour ça que si on te demande une question sur la charia et tu ne sais pas, tu dis Allah a'lam, tu peux avoir un ajr, tu peux avoir des récompenses pour avoir dit Allah a'lam. Non, si tu dis Allah a'lam de peur, tu dis non, j'ai peur de répondre, j'ai peur que Allah Ta'ala, je vais répondre faux, je ne connais pas, il va me donner des péchés, donc je vais dire Allahu A'lam, comme on dit les anges. Non, les anges ont dit Allahu A'lam, quand il aura posé la question. Non, il faut apprendre à dire Allahu A'lam. Quand il dit Allahu A'lam, c'est le délit que tu es un homme de science. Quelqu'un est venu, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à traverser, pour arriver à Medina, où il y avait l'imam Malik, rahimahullah. Naam, je me rappelle maintenant. Il est venu du Maghreb. Il est venu du Maroc, je ne sais pas de quel côté. Naam, combien de kilomètres pour arriver à Médine? À cheval, ou là, sur Anne, ou là, il n'y avait pas l'avion. Il lui a dit, j'ai 30 questions à te poser. J'ai été envoyé de là-bas, allez. Sur 30, il a répondu, je crois, si ce n'est pas oublié, à 3 questions. Non, 3 ou 4. Et toutes les autres, il a dit Allahu A'lam. Alors l'autre s'est étonné, il a dit, Imam al-Jalil, comment je vais dire moi aux gens? Comment je vais dire aux gens, subhanallah? Ça fait combien j'ai marché pour arriver ici, les gens attendent. Il a dit, Imam Malik, tu leur as dit que l'imam Malik a dit Allahu A'lam. Non, tu vas leur dire, l'imam Malik en personne a dit Allahu A'lam. Regardez, l'aile, et regardez quoi? Et regardez la sincérité. Regardez la sincérité. Certaines personnes ont honte de dire Allahu A'lam. Non, il dit, moi je vais dire, même si c'est faux, je vais dire. L'essentiel c'est que je paraisse devant les gens que j'ai de la science. Quitte à aller en enfer. L'enfer, c'est pas très important. L'important c'est ma place dans le cœur des gens. Que les gens disent de moi, Masha'Allah, celui-là il a du ilm, Subhanallah. N'importe quelle question, il a la réponse. Masha'Allah, c'est un ordinateur. N'importe quelle question, il a la réponse. Il croit que ça, c'est bien, bien sûr. Alors que quand tu dis Allahu A'lam, voilà le délit que tu as du ilm. C'est pas quand tu réponds à tout. Naam. Il a dit, وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ يُشِيرُ إِلَى هَذَا التَّحْرِيفِ. Il a dit, c'est comme si Ibn Taymiyyah, عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ, est en train de parler ici des déformateurs. Parce que les déformateurs ont dit sur Allah ce qu'ils ne savent pas, yani en deux sens, ou là de deux côtés. Non, les déformateurs disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas, de deux façons, ou là deux fois. Comment ça? La première, ils disent « Innahu lam yurid kaza ». Ils disent Allah Ta'ala n'a pas voulu cette chose. Allah Ta'ala n'entend pas par ce verset ceci et cela. Naam. C'est pas cela ce qu'il veut dire Allah Azza wa Jal. Donc voilà la première chose qu'ils ont dite sur Allah. Ils l'ont dite dans le négatif, en disant que Allah Ta'ala n'a pas voulu dire cela. C'est pas le sens du verset que Allah Ta'ala a voulu dire. Naam. Et deuxièmement, يقولون وأراد كذا. Mais Allah Ta'ala a voulu dire ceci et cela. Et là aussi, lorsqu'ils vont dire, a voulu dire ceci, cela, ils vont dire quelque chose de faux. Donc, ils vont dire faux dans la négation, quand ils vont dire Allah Ta'ala n'a pas voulu dire ceci, ils vont dire faux dans l'affirmation, quand ils vont dire, mais il a voulu dire ceci, cela. On donne un exemple. مثلاً قالوا لم يريد الله عز وجل بالوجه الوجه الحقيقي. Quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul subsistera le visage de ton Seigneur. Certains disent la face de ton Seigneur. C'est trouvé dans les traductions, etc. Je ne sais pas dire la face. Moi, je préfère dire le visage, comme ça, c'est en arabe. الوجه. C'est connu. الوجه, le visage. طيب. Reste, subsistera la face. Le visage de ton Seigneur. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu dire par le visage, le visage. Donc voilà le premier péché. Dans la négation, ils ont nié. Ils ont dit non, il n'a pas voulu dire le visage. Ça y est, ça c'est le premier péché. Alors deuxième péché, c'est quoi? Ils vont dire, mais il a voulu dire par le visage la récompense. Naam. Yabqa wajhu rabbik. C'est-à-dire, va rester la récompense d'Allah qui va rentrer les gens au paradis, va leur donner des femmes, va leur donner le vin, va leur donner ceci. Voilà où je vois Rabbika. Subhanallah al-Azim. Donc, ils disent deux fois faux. En faisant la négation, en disant c'est pas ce qu'il a voulu dire, et en affirmant des choses que Allah Azza wa Jalla n'a pas dit. Deux péchés en un coup. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala al-Afiya. Ensuite, il a dit, Cheikh Islam a dit, وَبِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Naam, Cheikh Islam a dit, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصفات 180-183. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Rabbul izza. Naam. Amma yasifun. Il est au-dessus de ce qu'il décrit. Naam. Il est au-dessus. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ce qu'il décrit. Il décrit Allah Azza wa Jalla plein de défauts. Naam. Allah Azza wa Jalla plein de défauts pour eux. Naam. Wa salamun ala al-mursalin. Et paix ou bien salut sur les messagers. Ou alhamdulillahi rabbil alamin. Et louange à Allah le Seigneur. Naam. Et louange à Allah le Seigneur. Tayyib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. On a dit la fois passée que le mot subhan venait du mot sabh qui veut dire loin, loin. Donc quand on dit subhan, subhanallah, ça veut dire qu'on veut éloigner d'Allah quelque chose qui ne lui sied pas, ne lui convient pas. Par exemple, si quelqu'un disait Allah subhanahu wa ta'ala, yani, est injuste, on dit subhanallah, yani, j'éloigne l'injustice d'Allah, subhanallah, amma taqul. Il dit que Allah ta'ala, par exemple, est avare, subhanallah. Comme certains ignorants, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Qu'est-ce qu'ils disent? Je l'ai entendu plusieurs fois, peut-être même vous avez entendu cette phrase. Certains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la viande à celui qui n'a pas de dents. Allah ta'ala a donné la viande à celui qui n'a pas de dents. Moi, personnellement, je l'ai entendu plusieurs fois de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on dit là? Subhanallah. Yani, hasha lillah, hasha. Subhanallah. Allah ta'ala, yani, ce défaut est loin d'Allah, loin, subhanallah. Quand tu dis subhanallah, tu es loin de lui, de défaut. C'est pour ça que quand tu termines la salat, tu dis, tu commences subhanallah, subhanallah, subhanallah, il ne faut pas les dire comme ça sans savoir ce que tu dis. Au point où certains le disent, yani, par habitude. Et il fait vite. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pas comme ça. Peut-être tu peux avoir des péchés. Non. Il faut aller doucement, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ici, tu penses en même temps à subhanallah, yani, pour enlever les défauts à Allah, c'est encore mieux. Subhanallah, yani, parce qu'il dit ceci, parce qu'il dit cela, parce qu'ils ont dit ceci. Oh, masha'Allah, c'est encore déjà mieux, mieux, beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Allah Ta'ala a donné la viande à celui qui n'a pas de dents. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, yani, accuser Allah subhanahu wa ta'ala dans la sagesse et dans la hikmah. Il n'a pas de sagesse, Allah Azza wa Jal. Non. Quelqu'un qui n'a pas de dents, il lui donne la viande, masha'Allah. Et celui qui a des dents pour manger, il n'a pas, il lui donne rien. Il boit de l'eau et du pain. Non, subhanallah. Qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit subhanallah. Subhanallah, amma yaqulu al-zalimun. Ou bien je dis subhanallah, amma yaqulu al-jahilun. Jahilun, ce sont des juhal. Je sais que ce sont des musulmans et ce sont des juhal. Ils sont très très loin du din. Et plus précisément, très loin de la aqidah. Très loin de la aqidah. Donc, c'est pour ça que Allah Ta'ala dit subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanallah. Du fait de, ou là, des choses dont ils m'ont décrit. Subhanallah. Je suis plus haut, je suis au-dessus de ces défauts. Je n'ai pas ces défauts. Subhanarabbika. Subhanarabbika. Rabbil Izzah, de quoi? Je suis loin de quoi? Amma yasifun. De ce qu'ils me décrivent. Ils me décrivent de choses que eux, ils ne s'en décrivent pas. Non. Certaines personnes décrivent Allah de choses que lui, il n'accepte pas. Non. Il dit, c'est comme lorsque autrefois les gens n'acceptaient pas la fille. Quand leur femme enfantait une fille, ils la tuaient vivante. D'accord, ils n'acceptent pas la fille. Mais qu'est-ce qu'ils disent d'Allah? Ils disent, il a des filles. Subhanallah. C'est pour ça que Allah Azzawajal a dit, tilka idhan qismatun liza. Donc ça, c'est une, comment on dit ça, c'est un partage inégal. C'est un partage injuste. Vous n'aimez pas que vous ayez des filles. Vous les tuez vivants, et moi, vous me donnez des filles. Vous êtes injuste. Naam, acceptez des filles, ensuite, dites Allah a des filles. Mais acceptez-vous des filles, pour qu'on soit égaux. Et pas toi, tu n'aimes pas la fille. Tu l'enterres vivante, et tu dis Allah a des filles. Subhanallah. S'il savait, je dis entre parenthèses, si les hommes d'autrefois savaient que c'est pas la femme qui donnait le garçon et la fille, mais c'est l'homme qui donne le garçon et la fille. C'est dans son liquide à lui. C'est dans son liquide à lui qu'il y a le garçon et la fille. La femme n'a rien à voir avec le garçon et la fille. La femme, ce que lui donne l'homme, elle le fait sortir. C'est un moule. Ce que tu vas mettre dans le moule, elle va te le donner. Non, c'est une petite usine. Tu mets toi quelque chose à l'intérieur et elle le fait sortir. Elle n'a rien à voir avec le garçon et la fille. Et combien de femmes... Les pauvres ont été divorcés ou là, frappés ou là, tués ou là, à cause de cette chose. Alors que ce sont les hommes qui donnent les garçons et les fils. Bon, c'est Allah qui donne, bien sûr. Mais c'est l'homme qui contient dans son liquide, qui contient les spermatozoïdes, ou là, comment ça s'appelle, de l'homme, du garçon et de la fille. Il y a les sexes masculins, sexes féminins. Non. Jusqu'à présent, il y en a des. C'est plein de djuhel. C'est plein d'ignorants qui frappent leurs femmes. Jusqu'à nos jours, dans les petits villages, etc. Jusqu'à nos jours, c'est la femme qui m'a donné ça. Subhanallah al-Azim. La fille, elle est venue d'où? C'est pas Allah Ta'ala qui l'a créée. Donc, tu es contre toi la prédestination et le destin. Il n'accepte pas ce que Allah Ta'ala a créé et qadr. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des filles, il a dit, innahunna al-mu'annisat al-ghaliyat. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Sahih al-Jama. Il a dit, hadith sahih. Les filles, ce sont les mu'annisat. Les mu'annisat, celles qui tiennent compagnie. Al-ghaliyat, les chères. C'est pas comme le garçon. Le garçon a 16 ans, 17 ans, tu ne vas plus le voir à la maison. Je ne sais pas si tu vas le voir, il va venir passer la nuit, il est bien. Non, mais la fille, elle est toujours là. Non, al-ghaliyat. C'est quand quelqu'un tombe malade, etc. C'est pas le garçon qui va lui ramener ce qu'il faut, c'est toujours la fille qui court. Naam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez sa fille, Fatima, tout en étant marié, il l'embrassait et la mettait sur son genou, sallallahu alayhi wa sallam. Tout en étant marié, Allah l'Azim, tellement qu'il aimait sa fille Fatima et toutes ses filles, bien sûr. Afwan. Naam. Est-ce que je suis arrêté? Naam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ensuite il a dit وسلام على المرسلين mais سلام paix et salut sur qui sur les messagers المرسلون pourquoi parce que les مرسلون les messagers ne disent pas ce que disent les autres les ignorants les messagers ne disent que sur Allah que ce qu'ils savent ils ne disent sur Allah que celui convient celui que la chose qui lui convient et qui lui sied. Ils ne disent sur Allah, ils ne le décrivent qu'avec les plus beaux attributs et les plus beaux noms. Naam, salamun, salamun, salut, paix sur les messagers. Naam, Allah Ta'ala les vante, il leur fait les éloges, il leur dit salamun ala al-mursalin, salam. Ils ont la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Naam, ils ont la paix dans ce monde pour avoir dit sur Allah seulement ce qu'il a. Naam. Et ils ont dans l'au-delà, vous savez ce qu'ont les prophètes. Hein, la meilleure place au paradis, etc. etc. Naam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont dit sur Allah que les choses que Allah Ta'ala aime. Ce n'est pas comme les ignorants, ce n'est pas comme les kuffars, ce n'est pas comme les associateurs, ce n'est pas comme les autres. Naam. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est louange à qui? À lui-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Après qu'Allah Ta'ala a enlevé les défauts, il a dit Subhana Rabbika. Ça veut dire les défauts sont loin de moi. Je suis plus haut. Subhana Rabbika. À la fin, il a dit Alhamdulillah. Il a enlevé les défauts et il s'est décrit. Il s'est décrit avec la louange. Enlever et décrire. C'est tariqat Al-Sunnah Al-Jama'a. Al-Sunnah Al-Jama'a. Enlève les défauts et décrive avec les beaux attributs et les bons noms. Ça ne suffit pas seulement d'enlever les défauts. Ça ne suffit pas. Il faut décrire avec les beaux attributs et les bons noms. Si tu enlèves seulement les défauts, ça ne suffit pas. Naam. Si tu vas par exemple chez quelqu'un, tu vas chez une personnalité ou là quelqu'un que tu aimes ou là, tu veux par exemple lui faire des éloges. Tu vas lui dire, écoute, tu n'es pas fou, tu n'es pas avare, tu n'es pas malade, tu n'es pas feignant, tu n'es pas moche, tu n'es pas ceci. Tu n'as rien dit. Mais si tu dis, tu es beau, tu es généreux, tu es masha'Allah, ah, ça, il veut dire masha'Allah. Maintenant, oui, naam. C'est pas seulement tu m'enlèves les défauts. Ah, ça, tu n'as rien fait. Il faut enlever et en même temps décrire. Et décrire avec les belles choses. Décrire. Naam. Ça va venir à l'inshallah ta'ala. Et Allah ta'ala a terminé ce verset en disant Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, on doit beaucoup, beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé les messagers. Car s'il n'avait pas envoyé les messagers, on serait maintenant dans le total égarement. Le total, le grand égarement. Alhamdulillah qu'il a envoyé les messagers. Et en plus de cela, alhamdulillah, quoi aussi? Alhamdulillah qui nous a aidés à suivre les messagers. Maintenant, les messagers sont venus. Il y a des gens qui ne croient pas jusqu'à présent. Ce sont des athées ou les bouddhistes ou je ne sais pas quoi. Mais, alhamdulillah, premièrement, d'avoir envoyé les messagers. Et deuxièmement, de t'avoir aidé et de t'avoir choisi à ce que tu sois de ses alliés, Azza wa Jal. Et des alliés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas des ennemis du prophète, tu es des alliés. Tu crois en ses prophètes, en ses messagers, et tu les suis. Masha'Allah alayk. Naam, masha'Allah alayk. Donc, on doit beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma. Cette grande ni'ma d'avoir quoi? D'avoir envoyé des messagers qui ont souffert, souffert le calvaire à cause de nous. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayhi min walidi wa waladi wa nas yajma'in » Je crois que avant cela, il a même juré « Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi » Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne, bien il a juré, personne yani, n'aura le parfait iman, la parfaite foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses parents, son père et sa mère, et ses enfants, et tous les gens du monde. Tous les gens. Naam. S'il y a quelqu'un que tu aimes plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas la parfaite foi. Certes, tu es croyant, mais tu n'as pas la parfaite. Naam, mazal. Tu as, ce qu'on appelle en arabe, tu as l'iman al-mutlaq. Naam. Mais tu n'as pas mutlaq al-iman. Tu as mutlaq al-iman, mais tu n'as pas l'iman mutlaq. Naam. Il y a une grande différence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apparemment, Cheikh s'est déconnecté. Inch'Allah, patientez un peu le temps qu'il revient. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وش جيتي بإذن الله عز وجل. J'ai pas remarqué que j'étais déconnecté. Heureusement que la sœur Bentashmi m'a envoyé un message. Sinon j'aurais pas su que j'étais déconnecté. طيب. وش جيتي exactement. Je parlais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sûrement. Mais je ne sais pas où est-ce que j'étais exactement. Non. Si vous pouvez me dire où est-ce que j'étais. Pour ne pas perdre de temps, au moins Ben Tashmi, dis-moi s'il y a le son d'abord. Dis-moi s'il y a le son d'abord pour ne pas perdre le temps. C'est un mot en arabe. Quel mot à peu près? C'est quel mot à peu près? Je disais que on devait aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos parents et nos enfants et plus que quiconque au monde. Et j'ai dit que nos parents, masha'Allah alayhim, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, yani, ils nous ont élevés, ils nous ont mariés, certains leur ont acheté une voiture, ils leur ont construit une maison, masha'Allah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment connaître Allah, comment l'adorer et comment arriver là-bas, masha'Allah ta'ala, na'am, comment arriver là-bas, yani rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Naam. Comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Donc c'est pour ça que c'est incomparable ce qu'ont fait nos parents devant ce qu'ont fait les messagers. Naam. Le prophète alayhi wa sallam va t'aider et te montrer comment tu vas rencontrer Allah ravi de toi et qui va te rentrer au paradis et pour vivre la vie éternelle dans le paradis. Naam. C'est pour ça que nous, on devrait beaucoup, beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir envoyé les prophètes et aussi de nous avoir choisis et choisis comme musulmans. Car il y a beaucoup de gens jusqu'à présent, ils ne sont pas encore croyants, alors que les messagers sont venus. Donc, un messager peut venir et tu ne peux pas croire. Et il est possible que tu ne crois pas en lui. Mais, alhamdoulilah, l'Azim t'a choisi, t'a mis dans son parti. Hezbollah t'a mis un allié au messager sallallahu alayhi wa sallam et ce n'est pas obligé qu'il fasse cela. Ce n'est pas obligé qu'Allah ta'ala fasse cela. Donc, le prophète alayhi wa sallam va te montrer ici comment tu vas vivre heureux, car quiconque suit le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera ici heureux d'abord, ici d'abord, et heureux là-bas. Heureux là-bas quand il sera au paradis, premièrement. Deuxièmement, quand il n'ira pas en enfer. Et troisièmement, quand il verra Allah subhanahu wa azzawajal. Allah subhanahu wa azzawajal. Naam. C'est la plus grande ni'ma. La plus grande ni'ma pour le croyant. Plus grande ni'ma pour le croyant. Naam. Comme a dit Allah azzawajal, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Naam. Les visages ce jour-là en train de gai, et ensuite, il a rabbiha nadira, en train de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il a dit, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْدُرُونَ, sur des fauteuils en train de voir. Qu'est-ce que tu vois sur le fauteuil? En train de voir Allah subhanahu wa ta'ala, en train de regarder. Naam. Et il a dit, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ, pour ceux qui ont fait les bonnes actions, le husna, le paradis, et ziyada, et plus, le paradis et plus. Il y a plus que le paradis? Naam, il y a plus. Il y a regardé Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça que Allah ta'ala, quand il a parlé des kuffars, il a dit, Kalla, innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun. Oh que non. Ce jour-là, il y aura un voile entre eux et Allah. C'est pour ça que le kafir, le kafir, à part le châtiment de l'enfer, à part le châtiment de l'enfer, le grand supplice de l'enfer, sans éternel, qui ne s'arrête jamais, il aura un autre grand supplice, c'est celui de ne pas avoir vu Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que les ulama disent, ça c'est une supposition, c'est tout. Ça ne peut pas se concevoir, c'est juste pour parler. Ils ont fait une supposition. Ils ont dit, si Allah Ta'ala faisait rentrer demain un kafir au paradis, à condition, il lui dit, à condition, mais tu ne me verras pas. Tu auras tout au paradis et tu ne me verras pas. Ils ont dit, le kafir sera le plus malheureux au paradis. Pourquoi? Parce que ne pas voir Allah Ta'ala, c'est ça le plus grand malheur. C'est ça le plus grand malheur, naam. Ne pas voir Allah qui t'a créé, qui t'a, yani, subhanallah ta'ala, pour lequel tu vis, pour lequel tu fais la prière, pour lequel, et tu ne vas pas le voir. Imagine. C'est pour ça qu'il n'y a pas une plus grande ni'ma que, après, bien sûr, rentrer au paradis, voir les prophètes et cela, comme voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup remercier Allah pour qu'il ne nous prenne pas cette ni'ma. Naam. Allah ta'ala nous a donné ni'ma l'islam, ni'ma l'iman, et si tu ne le remercies pas, il peut te la prendre. Parce que personne ne l'a obligé à ce qu'il te choisisse. Non, il y a des gens qui sont dans le total égarement. Vous savez ce que ça veut dire, total égarement? Total, total, total. Moi, je vois des gens ici autour de moi. Par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé devant moi. Un indo. Il faut bien faire la différence entre un indien et l'indo. L'indien, c'est quelqu'un qui habite en Inde. Et l'indo, qui suit la religion des indos, les bouddhistes, etc. Quelqu'un est passé devant moi, yani, subhanallah l'azim, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Mais la façon, yani, ce qu'il a fait de lui-même, tu vois comment, yani, ses cheveux, comment il habille, comment il a des trucs comme ça dans la main, yani, pour éloigner les mots, etc. Il voit devant toi, yani, tu vois, astaghfirullah, un animal. Parce que Allah Ta'ala l'a créé, mais il lui a montré comment il se purifie, comment il devient, mashallah, beau de cœur et beau de physique. La beauté du cœur, ça sort à l'extérieur, naam. Ça te donne des couleurs sur le visage, ça, mashallah, ça te rend resplendissant. Celui-là, tu le vois comme un charbon. C'est comme si un rat était passé devant toi. Naam, qu'est-ce que tu dis? Il dit, alhamdulillah, il dit, alhamdulillah. Pourquoi Allah Ta'ala m'a choisi moi et n'a pas choisi celui-là? Alhamdulillah. Yani, tu as peur que Allah Azza wa Jalla te reprenne cette chose. Naam, je commence à dire, si c'était bon, moi je fais la prière, moi ceci, moi ceci, arrête de dire ces choses. Il dit, alhamdoulilah, et demande à Allah de raffermir ton cœur et de t'en ajouter. Il peut te reprendre cette fois et la donner à quelqu'un qui est égaré. Naam, il peut la donner à un autre. Quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a dit une fois, il a dit, j'ai été en Inde. En Inde. En Inde, il y a tellement de religions, je ne sais pas, des milliers de religions. Chaque tribu ou chaque petit village a sa propre religion. Naam. Dans un village, il y a je ne sais pas combien de religions. Celui-là, il adore la vache, celui-là l'arbre, celui-là le serpent, celui-là la femme, celui-là le scorpion, celui-là. Il m'a dit, en Inde, j'ai été dans un village, où cette population, ce village, yani dans leur religion, c'est ne jamais se laver. Ne jamais se laver avec l'eau, et encore moins le savon. Depuis la naissance jusqu'à la mort, on ne doit jamais se laver. Et on doit laisser les cheveux et les poils de tout le corps. Il est interdit de les toucher jusqu'à la mort. Subhanallah al-Azim. Imaginez, quelle est la différence entre une personne comme celle-là et un gorille ou un ours. Un ours et un gorille. D'ailleurs, le gorille, il est mieux. C'est sûr que s'il trouve le gorille ou surtout l'ours. L'ours, il est tout le temps dans les lacs, avec l'eau, en train de jouer, il pêche des poissons, et en même temps, il se purifie. Alors, cela, il m'a dit, la personne qui a été là-bas me raconte, il m'a dit, avant d'arriver à ce village, à je ne sais pas combien de kilomètres, un kilomètre ou deux avant d'arriver, il faut monter la glace de la voiture, les vitres, il faut les monter tellement leur odeur est mauvaise. Mais là, un kilomètre avant d'arriver, le chauffeur lui a dit, tu vois maintenant la mauvaise odeur, parce que là, on est arrivé, ce sont eux qui sentent comme ça. Et cela, pour eux, c'est une religion, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a dit, mon ami, la plus grande ni'ma, le plus beau cadeau, le plus grand cadeau que tu peux donner à une personne de ce village, c'est que tu lui donnes, par exemple, un bidon ou un jerrycan plein d'urine. Non, tu remplis d'urine et tu lui dis tiens pour te laver. Il se lave avec l'urine. C'est pour ça que je vous ai parlé de la mauvaise odeur. Non, si tu lui donnes un jerrycan plein d'urine, ah, celui-là, tu es vraiment son ami. Regardez les gens comment ils vivent. Hein? Ils se baignent avec de l'urine et ils laissent les cheveux et les poils comme ça, comme les animaux. Et, alors que nous, masha'Allah, le wudu, masha'Allah, le ghusl, masha'Allah, la propreté, masha'Allah, siwak, masha'Allah, le musc, masha'Allah, la bonne odeur, masha'Allah, le khamis blanc, masha'Allah, la quwwata ala billah. Ça, c'est l'apparence. Laisse le cœur, masha'Allah, très près d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière, la sunnah à l'intérieur, l'ilm, masha'Allah, qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, qala salaf, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a choisi, nous a aimé, qui est mieux que nous? Masha'Allah, la quwwata ila billah. Naam, on dit Masha'Allah, la quwwata ila billah, pour ne pas nous frapper d'un mauvais oeil. Masha'Allah, la quwwata ila billah. Inch'Allah ta'ala, j'arrête aujourd'hui ici, bi'idna ta'ala. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais que vos questions, Inch'Allah ta'ala, soient dans la aqidah. Je voudrais que vos questions, Inch'Allah ta'ala, soient dans la aqidah. Naam, je profiterai pour répondre à vos questions, Inch'Allah, tout à l'heure. Tayyib, d'abord, comment tu s'appelles Bint Hashmi, mets le Coran. C'est un peu difficile pour moi d'aller faire. Mets le Coran, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle fait saut. Naam. Bint Hashmi, Inch'Allah ta'ala, laisse la prochaine fois le verset Bidnullah ta'ala termine. Bah, ma'adish, Abu Talib, hayyakallah, a des moudas, on t'a pas vu, hein. C'est-à-dire que tu as passé de bonnes vacances au bled, tu as mangé beaucoup de figues, hein. Inch'Allah, tu as bien passé, yani, iyan, masha'Allah, naam. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, j'attends la première question Bidnullah azzawaj. Rahim, quel est le ma'na, l'explication du mot aqida, sa racine et son sens, barakallahu fikoum. Naam, bismillah rahim, wa salatu salam, ala ashraf al-mursalin. On a, inshallah ta'ala, expliqué ça, si je vous rappelez bien, dans le premier dars où on avait commencé. On avait dit que l'aqida, ça vient du mot aqada, en arabe qui veut dire noué. Naam. Et l'aqida, c'est les dogmes, les critères, les idées, les avis que tu vas nouer sur ton cœur. Ils ne vont plus sortir. Tu vois, quand quelqu'un fait un nœud avec la corde, tu noues bien, ça ne va plus se dénouer. Sauf si quelqu'un va dénouer. Donc, aqida ta'qidu. Ta'qidu qalbaka ala hadihi, inshallah ta'ala, على هذه ال يعني ال كيف تسمى على هذه الأمور. نعم تعقد قلبك عليها. C'est de ça qu'est venu le mot aqida, du mot nœud. Aqada yaqidu. Naam. Fadr, inshallah, deuxième question, inshallah. Assalamu alaikum. Est-ce que les juifs et les chrétiens verront Allah subhanahu wa ta'ala? Taïb, ce qui est sûr, inshallah ta'ala, c'est que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement. Ensuite, les kuffars ne verront pas Allah azza wa jalla. Ensuite, les munafiqoun, reste les munafiqoun, et les juifs et les chrétiens. Ceux-là, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala pas dans sa vraie image. Et Allah ta'ala, comme dans le hadith Bukhari, y'a'ti fi suratin, ghellati ja'a fiha, ou ya'rifunaha biha. L'azur va venir, ils vont le voir, mais, comme on dit certains ulama, comme on dit Cheikh Ibn Uthaymeen, une vision de azab. Non, ce n'est pas la vision des croyants qui vont le voir avec plaisir. Quand tu vas voir quelqu'un, yani, par exemple, seulement quelqu'un, un parent que tu n'as pas vu depuis des années, imagine. Ou un parent que tu croyais mort, par exemple, tu vas le voir. Qu'est-ce que tu vas sentir? Imagine, tu vas voir là, quel plaisir tu vas sentir. Eux, les juifs et les chrétiens, vont le voir, mais pas comme vont voir le musulman. Ils vont le voir quand il va venir pour le hisab, etc. Mais pas dans sa surah haqiqiyya, pas dans sa vraie image avec laquelle le surah, avec laquelle les croyants le verront. Naam, car les juifs et les chrétiens resteront avec les musulmans. Quand les kuffars suivront ce qu'ils ont suivi, les chrétiens resteront ensuite, les chrétiens suivront d'après Zama, Isa alayhi salam, et les autres suivant Ozaïr, ils resteront seulement les musulmans. Allah Ta'ala leur dira, qu'est-ce que vous attendez? Ils ont dit, nous, on n'a pas suivi les gens quand on était dans le bas monde. Comment nous allons les suivre aujourd'hui? Allah Ta'ala va dire, qu'est-ce que vous attendez? Ils diront, on attend Allah. Et est-ce que vous le connaissez? Ils vont dire, non, il y a un signe entre nous et lui. Il va dire, c'est quoi? Certes. فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه الباب منصي صنفيبيا الله تعالى أن يحفظنا وأن نثبتنا في ذلك اليوم en conclusion ils vont pas le voir la vision véridique تفضل إن شاء الله votre question طيب s'il n'y a pas de question je vais mettre le Coran السلام عليكم est-ce que tous les gens qui rentrent au paradis verront Allah عز وجل بارك الله فيكم نعم tous les gens qui iront au paradis, verront Allah Azza wa Jalla. Naam. Mais il faut savoir une chose. Voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des degrés aussi. C'est des degrés. Naam. C'est d'après la piété, d'après plus on est près d'Allah subhanahu wa ta'ala, et combien cette personne va le voir, et combien cette personne va le voir, etc. On ne va pas le voir, par exemple, comme le verront les prophètes, etc. Naam. Mais, yani, tout le monde, inshallah ta'ala, verra Allah subhanahu wa ta'ala s'il sera au paradis. Hein? Quiconque sera au paradis, verra bi'idhnillah azza wa jal. C'est ce que disent al-sunnah ou al-jama'a. Ou alhamdulillah. Alhamdulillah. Hein? T'fadal, inshallah. Naam, j'apprends, inshallah ta'ala. Pour que ça l'a fait. Une seconde, je vais répondre, inshallah ta'ala. Non. Vous parliez de rançon que les koufars doivent payer lorsqu'ils vivent en terre musulmane. À quoi correspond-elle exactement? Non. Il veut dire c'est quoi exactement? C'est d'après ce que le gouverneur demandera. La rançon n'est pas prise, ne sera pas prise de n'importe quel kafir. Non. Par exemple, elle ne sera pas prise de la femme, ni de l'enfant, ni du vieillard, ni non, quelqu'un qui travaille, etc. Le gouverneur, yani, prendra de chaque kafir qui remplit les conditions, il lui prend d'après, yani, ce qu'il peut donner. Non, il demandera à cette personne tant, à cette personne tant, et comme ça, d'après ce que la personne peut donner, d'après ce qu'il travaille, d'après sa paye, etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non, c'est à qui le tour, inshallah ta'ala. Barakallahu fik, chir, si vous permettez, j'aimerais que vous me conseillez un livre bien clair et bien détaillé sur l'explication des noms et des attributs divins. Non, en arabe ou là en français? En arabe ou bien en français? Pour Ilyas Abou Anas. Celui qui veut le livre bien clair. En arabe ou en français? Les deux, ça. Les deux, hein. Très rare. Il y a un livre, inshallah ta'ala, qui est simple. Qui est simple, mais qui contient les attributs, mashallah, et bien expliqué aussi, les noms et les attributs. Non? Il contient même d'autres choses dans la aqida, mais très simple, inshallah ta'ala, qui s'appelle Lum'atul i'tiqad. Non. Al-Hadi ila sabil al-Rashad. Mais c'est très connu par Lum'at al-i'tiqad. De l'imam Abdullah ibn Qudama. Non. L'imam, bien sûr, ce livre, ce qui est plus important, c'est qu'il a été expliqué par Cheikh ibn Uthaymeen. C'est l'explication de ce livre qui est très intéressant. Ça s'appelle, non. Sharh Lum'at al-i'tiqad. Sharh. L'oum'at al-i'tiqad, le Cheikh ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Et ce livre existe en France, il s'appelle comme ça, l'oum'at al-i'tiqad, al-hadi la sabil al-rashad, et son titre en français s'appelle le substantifique du credo. Non? Ben Tachmi écrit le titre. Le substantifique du credo. Non? C'est dar al-kutub. Dar al-Kutub al-Ilmiya. Dar al-Kutub al-Ilmiya. Naam. Voyez, le substantifique du credo. Le substantifique du credo. Dar al-Kutub al-Ilmiya. Naam. C'est très simple, mais mashallah, yani, il contient des choses, yani, mashallah. Quelle est la différence entre Ibn Assafa? Je n'ai pas compris la question. Et je crois que la question n'est pas dans la Aqida, je crois. De toute façon, je n'ai pas compris le début de la question. Naam. Ibn Assafa et Ibn Zina. Naam. Je n'ai pas compris la question et je crois que ce n'est pas dans la Aqida. Wallahu ta'ala alam. La prochaine question, Inch'Allah. Il n'y a rien compris. Hein. Un frère vous a posé une question qui était le sujet mentir pour louer un appartement. Il voulait s'assurer. Naam, je me suis bien assuré. Ça, il m'a écrit. L'email m'est arrivé hier. Naam, m'est arrivé. C'est loué. Là, ce n'est pas acheté. Naam, c'est loué. Abou Talib, chauffeur, remarque une chose avec nous. Aujourd'hui, on ne traite que les questions qui ont aqida, inshallah. On ne traite que les questions, bi'inna ta'ala, qui ont rapport avec la aqida. Naam. Je lui répondrai, inshallah ta'ala, quand j'aurai la réponse. Naam. Taïb. Donc, si on perd comme ça le temps, je suis obligé de donner à ceux qui lèvent la main de poser la question. Non, car je vois que, maintenant, aucune question n'est arrivée. Alors j'attends un peu, s'il n'y a pas de question, je dis à Oum Souleymane, prépare-toi. Normalement, ceux qui lèvent la main doivent passer leur question. Quelle est la différence entre Tekif et Tahrif? Ah, une grande différence. Non. Tekif, si tu dis... Tu dis l'attribut, par exemple, cet attribut, Nam, attends une seconde. Je commence par Tahrif, là. Je commence par Tahrif. Attention, suis bien avec moi. Je vais commencer par Tahrif. Tahrif, c'est déformé. C'est déformé. Nam. on déforme, soit en ajoutant, soit en retranchant, soit en donnant un autre sens, comme je l'ai expliqué la fois passée. Naam. Si je dis par exemple que stawa c'est stawla, j'ai fait le tahrif. Si je dis chinta c'est chinta, j'ai fait le tahrif. Si j'ai dit que la main c'est la puissance, ça s'appelle tahrif. Naam. J'ai fait le tahrif. Ça s'appelle tahrif. C'est-à-dire c'est quoi? C'est déformation. Naam. C'est déformé. Déformé c'est quoi? C'est tahrif. Mais tekif, c'est quand on dit quelque chose et on dit que elle est d'après cette forme. Par exemple, il dit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala kaza wa kaza est de cette sorte, et de cette forme, tekif. La descente d'Allah ta'ala est de cette sorte, et de cette forme. Il descend comme ça en faisant ainsi. Ça, c'est tekif. Tu as donné le kif, tu as donné le comment de l'attribut. Il ne faut pas donner le comment. Et tu dis la main d'Allah est de cette sorte, comme ça tu as fait quoi? Tu as fait le tekif. Kiyiftaha. Alors que le tahrif, c'est la déformation. Tu déformes. Il y a une différence, inshallah ta'ala, visible entre les deux. Naam. Pardon? Autre question, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a d'autres questions, inshallah ta'ala? Il y a pas? Il y a un problème, je t'en vois. نعم ما شاء الله تعرف الله ما شاء الله نعم ما شاء الله نعم طيب سليمان تفضلي أم سليمان je t'ai enlevé le point rouge تفضلي pose la question ne perds pas de temps bismillah Je ne vois aucune question. Est-ce que quelqu'un voit des questions? S'il y a des questions posées, c'est que je dois sortir et je revenir. Naam. Où est-ce qu'elles sont les questions? Est-ce que quelqu'un voit la question ici? Tayyib. Où est la question? Alors, réécrivez les questions, inshallah. Je les pose. Où? J'aimerais comprendre. Naam. J'aimerais comprendre la divergence concernant le hadith. Qui dit je vous ai laissé le Coran et la Sunna et concernant Ahl al-Bayt. Naam, j'aimerais comprendre la divergence concernant le hadith qui dit je vous ai laissé le Coran et la Sunna et concernant Ahl al-Bayt. Comment cela, yani, la divergence concernant le hadith qui dit je vous ai laissé le Coran et la Sunna. Et la Sunna Et concernant Al-Bayt. Naam. Le hadith qui dit que je vous ai laissé le Coran et la Sunna est un hadith sahih. Et le hadith qui parle de Al-Bayt est aussi sahih. Et il n'y a pas, inshallah ta'ala, de contradiction entre eux. Aucune personne de Al-Bayt ne peut rentrer au paradis si quoi? Si elle n'obéit pas à Allah ta'ala et à son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waymullah, law anna Fatima bint Muhammad. سرقت لقطعت يدها والله في ما في فاطمه فول que je lui coupe la main. Naam. Et des fois, une fois il est monté sur la montagne, une montagne, il a commencé à appeler les familles. Oh, kada kada ya bani kada ya bani kada. Yani, il leur a dit que il faudrait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je peux rien faire pour vous si quelqu'un n'obéit pas à Allah azza wa jalla. Donc Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de donner les droits, bien sûr, de Ahl al-Bayt, de les aimer, etc. Mais on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et on suit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que, on va dire que, yani, s'il y a par exemple un hadith qui vient de Ahl al-Bayt, on le prend. S'il y a un hadith qui ne vient pas d'Ahl al-Bayt, on ne le prend pas. Donc on va pas prendre des sahaba comme disent les chiites. Ils disent on ne prend pas des sahaba. On prend seulement un hadith qui vient de Ahlul Bayt. Et là, c'est l'égarement total. Et là, c'est quoi? Ça va être l'égarement total. Tu ne vas pas prendre 98% de la sharia, tu ne vas pas la prendre. Non. Car les hadiths qui sont venus de Ahlul Bayt sont très peu. Non. Peu nombreux. Ils sont comptés sur les bouts des doigts. Donc, 98% de la sharia, on ne va pas le prendre et on ne va pas l'accepter. Non. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est assez amené. Inch'Allah Ta'ala, on en reparlera en son temps, Inch'Allah Ta'ala. Non. Fadla, Inch'Allah, prochaine question. Non. Non. Si je vois que les questions ne viennent pas et que moi aujourd'hui je suis un peu fatigué, et que c'est cela que je cherche dans mon livre Subul Salam, une édition nouvelle d'Arab Bihad. Dans mon livre Subul Salam, une édition nouvelle d'Arab Bihad, dans Bab Nusr al-Kufayn et dans d'autres passages des hadiths sont rapportés, et lorsqu'il évoque Ali, le gendre du prophète Islam, l'auteur du livre dit, alayhi salam, ce livre est-il permis de le lire? Non, quand on dit de Ali, alayhi salam, ce n'est pas interdit si on dit de tous les sahaba, alayhi salam. Non, Abu Bakr, alayhi salam, Omar, alayhi salam, et toi, toi aussi, moi, toi, alayhi salam, moi, alayhi salam, si tu dis comme ça, c'est permis, car toi, toi, qu'est-ce que tu dis dans le tashahud? Tahiyatullah, zakatullah, tayyibat, salatullah, salamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadullah salihin. Assalamu ala man? Alayna wa ala ibadullah salihin. Tout ibadullah salihin, on peut leur dire salam. Salam ala funan. Mais dire salam seulement ala, par exemple, Ali, ça c'est le shi'isme. C'est le shi'isme. Dire seulement salam sur Ali. Non. Donc on... S'il y a un livre où on dit seulement salam sur Ali, tu peux prendre yani, ce qui est juste et ne pas accepter ce qui est faux, c'est tout. Non, c'est pas. Yani, ou bien, si on est yani, on a assez de rien pour discerner, bien sûr. Mais si maintenant ce livre a été écrit par la Shia, ça c'est autre chose. Non. Il se demande, pouvez-vous répéter quel est le prophète qui guérissait et répondait à toutes les questions? Qui guérissait et répondez à toutes les questions. Je ne le connais pas. Non, je ne connais pas le prophète qui guérissait et répondait à toutes les questions. Celui-là, je ne le connais pas. Non. Vous en parlez lors du dars. Je ne me souviens pas d'avoir parlé d'un prophète qui guérissait. Guérissait les gens. Je ne me souviens pas. Ça y est. Il faut expliquer encore. Je n'ai pas compris la question. La bonne lis ce qui est écrit. La bonne lis ce qui est écrit. Alaykoum salam wa rahmatullah. Assalamu alaykoum, alaykoum salam. Subhanallah. C'est difficile à répondre. Assalamu alaykoum, wa alaykoum salam, ya assalamu alaykoum. Naam. Naam. Naam, on est là. نعم أنا يسمح فيك عبد الله أنت وش من بشرك داخل وش من إيه كيف أقدر تدخل أقدر تسمح لنا كيف أقدر وش ندير نعم السلام عليكم ورحمة الله جو بارلي أو تيليفون لا. Pouvez-vous m'expliquer un nafi ou l'itbat? Un nafi ou l'itbat? Pouvez-vous nous expliquer un nafi ou l'itbat? Non. Allah Azza wa Jal, on ne doit pas le décrire seulement avec le nafi. Le nafi, c'est quoi? C'est la négation. tu dis que Allah Ta'ala n'a pas ceci, n'a pas cela, n'est pas menteur, n'est pas voleur, n'a pas la ruse, n'est pas un moqueur, n'est pas tout ça. Ce n'est pas comme ça Al-Sunna ou Jama'a qui disent cela. Ça c'est les Mu'tazila. Les Mu'tazila qui décrivent Allah Subhanahu wa Ta'ala par la négation. Mais Al-Sunna ou Jama'a décrivent Allah Subhanahu wa Ta'ala par l'affirmation en faisant une négation générale. Générale. Tu dis Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Ou là il ne ressemble à rien. Comme ça en général. Mais dans l'affirmation, tu donnes des détails. Mais c'est lui l'audion et le clairvoyant. Sami al-Basir. Regarde, dans l'affirmation, tu as donné des détails. Tu as dit Sami, l'audion et le clairvoyant. Naam, al-Basir. Ensuite, tu vas dire Al-Aziz, Al-Rahman, Al-Ghafour, Al-Wadud, Al-Karim. Dans l'affirmation, tu donnes des détails. C'est ça, Al-Sunnah al-Jama'a. Mais dans la négation, tu te suffis à la généralité. Tu dis, Allah Ta'ala ne ressemble à rien. Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Et comme ça, ça te suffit. C'est pas la peine de dire, il n'est pas menteur, il n'est pas voleur, il n'est pas kada, il n'est pas kada. C'est pas la peine. La généralité te suffit dans la négation. Et dans l'affirmation, tu donnes, Inch'Allah Ta'ala, des détails. Plus tu connais Allah Ta'ala en détail, plus, bi'idhnillah Azza wa Jal, yani, tu l'aimes plus et plus lui aussi il t'aime car tu l'as connu avec il y a eu beaucoup de détails. Naam. Fadal inshallah. Salam alaikum. J'ai lu un livre où pour chaque monde d'Allah il y avait un bienfait qui on le répète un certain nombre de fois. Est-ce bidah? Naam. Ce n'est pas vrai ce livre. Par exemple, celui qui répète le nom de Hafid 16 fois sera protégé de toute calamité. Naam. C'est des bidah. Naam. Ça. C'est des innovations et des bidas. Naam. Il n'y a pas un hadith qui dit que on doit répéter cette chose comme ça 15 fois, 16 fois, etc. Naam. Naam. C'est bidah, inshallah ta'ala. Naam. Donc ce livre, inshallah ta'ala, il faut l'éviter. Bi'idhnillah, azza wa jal. Voilà pour le livre, inshallah ta'ala, les références du livre. Le substantifique du credo de l'imam Abdullah ibn Qudama. Commentaire de l'Uthaymin, rahimahullah, dans le Kutub al-Ilmiya. Dans le Kutub al-Ilmiya. Non. Je crois que c'était une question, j'allais dire. Est-ce que la connaissance de du Ossou Salat de Cheikh Islam Al-Wahab et Wajiba. J'aimerais savoir si les djinns et les humains seront ensemble ou séparés au paradis ou en enfer ou chacun le sien. Naam. En ce qui concerne Ossou Salat de Cheikh Islam Al-Wahab et Wajiba, ça dépend ce que tu veux dire par Wajiba. Si tu veux dire Wajiba, que celui qui va pas lire ce livre, il va aller en enfer, non. Mais tu veux dire que celui qui va pas lire ce livre va avoir des péchés, non. Il est possible que je lise un autre livre qui est comme celui-là ou mieux que lui. Naam. Ou le plus détaillé que ce livre. Mais, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Aqida, quelqu'un qui ne connaît rien, naam, il est obligé qu'il lise ce livre ou de quelqu'un qui lui ressemble. Un livre qui lui ressemble, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tout autre livre qui contient ce que contient le livre de Ossou Salata ou contient mieux que celui-là, c'est la même chose. Mais ce livre, l'Ossou Salata, il est bien parce qu'il est simple. Il est simple et il contient la vraie Aqida. Il n'est pas difficile à comprendre. Tu peux acheter un autre livre, il sera difficile à comprendre. Ce livre est simple et très facile à comprendre. Naam. C'est pour ça qu'il est conseillé bi'idhn azza wa jal. Jazakallahu khair al-Bani. Jazakallahu khair. Naam. نعم يا السلام عليكم بارك الله فيك طيب إلى دي سلام كذي إيمان شيء المرجئة إلى دي فرنسا في المرجئة إيه مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء نعم. طيب المرجئة il faudrait comprendre que le مرجئة ce sont des gens, c'est une secte qui dit que الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان, qui disent que la salat, la zakat, le hajj, le jihad, tout ça, ça rentre pas dans l'iman. Pourquoi? Parce que l'iman, pour le murji'a, c'est quoi? C'est quelque chose qui se trouve dans le cœur et au niveau de la langue. Si dans le cœur, tu attestes qu'il n'y a qu'Allah qui mérite l'adoration, tu attestes que le prophète, alayhi salam, est son prophète, tu attestes qu'il y a le paradis, etc., tu attestes, et tu dis avec ta langue, « Shadu la ilaha, shadu Muhammad, abdu wa rasuluhu », tu es, yani ça te suffit. Ça te suffit. Tu es dans le même à pied d'égalité avec le prophète Islam, avec Abu Bakr, avec Jibril dans l'iman. Parce que le murji'a chez eux, l'iman, la foi, ne grandit pas et ne devient petit. L'iman, la yazid wa la yanqus. Naam. Wa la yujizuna aussi, ils ne permettent pas que tu dises Inch'Allah, ana mu'min Inch'Allah. Ils ne permettent pas ça aussi. Naam. Et le Mourjiyat Fouqaha, c'est la même chose, mais on les a appelés Mourjiyat Fouqaha parce que c'était de grands Fouqaha, comme l'imam Abu Hanifa, rahmatullah. Quand on dit Mourjiyat Fouqaha, la plupart du temps, on parle de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah, qui n'a pas concordé avec les autres ulama dans le principe de la foi. Dans le principe de la foi. Naam, voilà. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est le murji'a. Pardon, l'irja. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'irja. C'est pour ça que le jahmiya ont aussi l'irja. Naam, le jahmiya ont aussi l'irja. C'est pour ça qu'on appelle le jahmiya ashab al-jimat salata. Naam, jahmiya, irja et jabriya. Trois choses à la fois. Je disais, beaucoup de choses ne savent pas ce que c'est l'irja. Et ils disent comme ça, Mourji, fixé Mourji. Ils disent même l'Albanie est Mourji. Masha'Allah, l'Albanie est Mourji. Tu sais toi que ça veut dire l'Irja? Tu sais d'abord ce que c'est, tu sais pas toi ce que c'est l'Irja. Non. Ils disent l'Albanie est Mourji. Masha'Allah, la poésie. Fadlal, Inch'Allah. C'est à qui le tourbillon? Et comment un sunnah ou le jama'a les contraries dans l'iman? Naam, un sunnah ou jama'a disent que l'iman est quelque chose dans le cœur et quelque chose sur la langue et quelque chose qu'on fait. Ce sont des actions. Il est l'adina amanu wa amilu salihat. Donc toujours wa amilu salihat. Et ils disent que un sunnah ou jama'a disent que l'iman, il monte et il descend. Il monte et il descend. Et ils disent que il y a a'mal, les actions. Il y a les actions du cœur et les actions des jawarih. Naam. Ils disent que le cœur, lahu aqwal, wa lahu a'mal. Aqwal al-quloub, c'est l'i'tiqadat. Et a'mal al-quloub, c'est tawakkul wa al-inaba wa kada. Ou le khawf. Tout ça, c'est a'mal al-quloub. Les sunnah al-jama'a disent que, yani, il y a l'a'mal même dans le cœur. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, Allah yarhamou a dit, Inna dukhul al-a'mal fi a'mal al-qalb awla min dukhulha fi a'mal al-jawarih. Naam. Fi a'mal al-jawarih. طيب. Est-ce qu'il y a inchallah une autre question? Pouvez-vous nous expliquer l'iman avec les paroles, actes et cœurs que l'amour récompense? Inch'Allah ta'ala. Naam, je vais t'expliquer Inch'Allah azza wa jal. Ça y est, je vais dire comme ça très vite, Inch'Allah ta'ala. Yani, juste pour vous ayez une idée. Pour vous ayez une idée. Inch'Allah ta'ala, à chaque fois, on donnera, Inch'Allah ta'ala, beaucoup plus de détails. Regarde. Pouvez-vous m'expliquer l'iman avec les paroles, actes et cœurs? Regarde. Il y a une secte qui dit l'iman, c'est seulement connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'ilm, l'ilm billah. Cette secte s'appelle Al-Jahmiya. Ensuite, la deuxième secte, elle dit ici, Al-Tasdiq. Tasdiq. C'est yani, l'attestation que Allah ta'ala existe. Ça, c'est l'Asha'ira. Ensuite, il y a une secte qui dit que l'iman, c'est quelque chose seulement ou seulement sur la langue. Subhanallah l'Azim. Seulement sur la langue. Ça s'appelle Karamiya. Karamiya, Abdullah ibn Karam. Ensuite, il y a une secte qui dit l'iman, c'est le cœur. Ensuite quoi? Ensuite la langue. Ça s'appelle Murji'a. Murji'a. Ensuite, il y a ceux qui disent c'est le cœur, plus la langue, la parole, plus les actes. Et là, c'est qui? C'est Al-Sunnah al-Jama'a, plus Mu'tazila, plus le Khawarij. Maintenant, plus Al-Sunnah al-Jama'a, et Mu'tazila ou le Khawarij disent la même chose, disent que l'Iman, c'est le cœur, et la parole, et les actes. Donc, Al-Sunnah al-Jama'a, comment qu'ils vont différencier des Khawarij, les chiens de l'enfer, et des Mu'tazila, comment qu'ils vont différencier d'eux? Il différencie d'eux en disant que chez nous l'iman il monte et il descend. Et le Khawarij Mu'tazila disent non, il ne monte pas, il ne descend pas. Voilà la différence entre nous et eux. Nous on dit, il est dans le cœur l'iman, il est sur la langue, il est avec les actes, mais en même temps il monte et il descend. Plus on fait de choses, de bonnes actions, plus il monte, plus on fait des péchés, plus il descend. Voilà la différence entre Al-Sunnah, Inch'Allah Ta'ala ou le Jama'a. Et les autres. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Non. Est-ce que le fait de mentir pour convertir quelqu'un est un péché en disant que c'est très facile? Cela est arrivé à mon époux avant qu'il n'embrasse l'islam. Tu n'as pas menti. Non. Tu n'as pas menti en disant à ton époux avant qu'il embrasse l'islam que quoi? Que c'était très facile. Non, l'islam c'est très facile, tu n'as pas menti. Où est-ce que tu as menti? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ma ja'ala Allah alaykum fi dini min haraj. Il a dit, yuridu bikum l'yusr. Il veut la facilité, il veut vous faciliter. Non, il n'y a pas une chose difficile sans que l'islam ne la rende facile. Il y a même dans la règle, al-qa'ida, al-mashaqqatu tajlibu taysir. C'est une règle qui dit, une règle qui al-qawa'id fiqhiya, qui dit que à chaque fois qu'on est dans un embarras, l'islam te donne la solution. Il y a une solution en islam. Tu connais toi quelqu'un qui, ou là, tu connais une religion qui permet à quelqu'un de manger le porc s'il sait qu'il va mourir, alors que le porc c'est interdit de le manger. Et maintenant, si tu sais que tu vas mourir, il ne reste que cette solution, tu manges. Pourquoi? Et tu connais quelqu'un, une religion, on te dit que si on te force, te met le revolver sur la tempe, on te dit insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'insultes avec ta langue, bien sûr, et pas avec ton cœur, tu es toujours musulman. Regarde, alhamdoulilah. Regarde, tu ne peux pas faire du wudu, tu vas au taïmoum. Tu ne peux pas faire la prière debout, tu l'as fait en étant assis. Tu ne peux pas assis, tu l'as fait sur le côté, en étant allongé. Il y a plus facile que cela. Et, tu oublies, en plein ramadan, tu oublies, tu manges une chose, ton jeûne est sahih, il n'est pas nul, parce que tu as oublié. Tu te trompes, tu fais quelque chose, naam, cette chose reste valable, parce que tu t'es trompé. Et comme ça. Il n'y a pas de plus facile que l'islam. Sauf ceux qui ne connaissent pas l'islam vont bien sûr quoi? Vont le rendre difficile. Bien sûr, vont le rendre difficile. Non. Parce que ils ne connaissent pas l'islam. Tafadhal Farias. Farias, tafadhal. Salam alaikum. Que doit faire une personne qui a juré par Allah de ne plus aller chez une personne, mais peu de temps après elle y a été? Quel est le plus grave des péchés entre se raser la barbe faire le isbal, laisser son vêtement et passer les cheveux? Que doit faire une personne qui a juré par Allah de ne plus aller chez une personne, mais peu de temps après, elle y a été? Non, si cette personne a été chez l'autre personne sans oublier, yani elle a voulu, elle savait et elle est allée, bien sûr qu'elle doit nourrir 10 pauvres, bi idhnillah azza wa jalla. Si elle ne peut pas, elle doit jeûner 3 jours. Non. Sauf si, comme j'ai dit, sauf si elle est partie en oubliant. Elle a oublié, elle est partie chez la personne. Et si elle est partie comme ça, consciemment, elle doit, inshallah ta'ala, nourrir 10 pauvres. Sinon, si elle ne peut pas nourrir, elle doit quoi? Elle doit jeûner, bi idhnillah ta'ala, 3 jours. Non. Quel est le plus grave des péchés? On se rase la barbe et faire le isbel. Non. Les deux sont graves. Les deux sont graves. Se raser la barbe, c'est se faire ressembler à une femme. Et celui qui se fait ressembler à une femme, si c'est un homme, il est maudit, mal'oun. Naam. Et se raser la barbe, c'est tarib li khalqillah. C'est changer le khalq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a créé l'homme avec la barbe. Celui-là, il veut lui changer le khalq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'isbel, c'est la même chose. C'est grave, car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regardera pas cette personne le jour du jugement dernier. وَلَا يُزَكِّهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يُزَكِّهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ Il a dit « أَلِيمٌ » « عَذَابٌ أَلِيمٌ » C'est vraiment grave pour ces deux personnes. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ نَعَمْ Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyya. Allah يهديهم يهديهم اجمعين. نعم. فيك بارك الله السلام عليكم راك تفنن اليوم راك تفنن راك تهدر صباح تهدر الفرنسي ما شاء الله قوي هذا الفرنسي ما شاء الله راك قوي في الفرنسي اليوم ما شاء الله عليك زيد هذا الفراشات والورود ما شاء الله انت لازم نتعلم لازم تعلمنا شويه الفرنسي انت فاريس tu veux pas écrire ta question je ne sais pas pourquoi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم طيب دونك نقص أبو عبيد الله أبو عبيد الله في 74 سيكون إن شاء الله تعالى تفيد quand on lève les mains on pose la question directement alors on attend notre tour et on la donne à nos amis pardon. نعم أبو عبيد الله comment sera la terre le jour de la résurrection celle du rassemblement بارك الله فيك نعم c'est dans certains hadiths que la terre sera comme un pain sera comme ça مثل الخبزة on a dit dans le Bukhari نعم mais je ne sais pas yani avec les détails. Non, avec les détails, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais je sais que Allah subhanahu wa ta'ala fera de la terre comme, je dis, khubza, comme un pain, comme ça, rond. Non. Abu Ubaidullah ne pose pas la question. Farias ne pose pas la question. Tayyib. Alors, inshallah ta'ala, on va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. On se donne, inshallah ta'ala, rendez-vous lundi, bi'idhnillah azza wa jal. On se donne rendez-vous lundi, bi'idhnillah azza wa jal. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.